vis-à-vis de l'étranger d'abord. Moscou minimise les conséquences de l'accident, alors même que les pays scandinaves ont déjà observé une augmentation inquiétante de la radioactivité. Toutefois, cette dissimulation est aussi à usage interne. Il s'agit d'abord d'éviter la panique et d'opérer dans l'ordre, mais un peu tardivement, l'évacuation des villes et villages proches de la centrale nucléaire. Mais il faut aussi rasséréner les centaines de milliers de liquidateurs, comme on les appelle, qui sont chargés de colmater le réacteur numéro 4 et de décontaminer la zone. Des hommes qui, insuffisamment protégés contre les radiations, font néanmoins preuve d'un véritable héroïsme. Pour eux, les autorités vont se livrer à un coupable trucage. D'un trait de plume, les taux d'irradiation mortelle sont revus à la hausse. Ainsi, alors que le seuil mortel pour la durée d'une vie humaine était de 35 rem, le plafond passe soudainement à 70 rem. Et du même coup, nombre de liquidateurs sont sacrifiés et condamnés à subir une irradiation fatale. Et Gorbatchev, l'inventeur de la glasnost, c'est-à-dire la transparence, d'abord insuffisamment informé et même trompé, il tangue. L'enjeu est en effet considérable. Il y va du prestige de l'URSS et de la technologie soviétique, et il attendra presque 3 semaines avant de s'exprimer publiquement. Dans un premier entretien, M. X a refait l'historique de la centrale de Tchernobyl et de ses 4 réacteurs d'une conception obsolète car issue des premiers réacteurs militaires destinés à fournir le combustible des bombes. Il a aussi évoqué les erreurs humaines et le grand secret de Tchernobyl, la présence non loin du site de la centrale d'un super radar destiné à devenir une pièce maîtresse de la guerre des étoiles. Dans ce deuxième entretien, il continue à décortiquer les mystères de Tchernobyl. Les plus grands savants, soviétiques ou pas, l'affirment avec Tchernobyl, le plus grand accident mondial de l'ère nucléaire, on est passé à côté d'une catastrophe encore plus considérable qui aurait pu contaminer une partie de l'Europe et rendre inhabitables des régions entières. Toute la Biélorussie, par exemple. La Biélorussie qui a pourtant déjà été très touchée. Hein. C'est exact, et qui ne cesse pas de l'être encore aujourd'hui. Enfin, nous verrons cela plus tard. Alors, cette catastrophe à laquelle l'Europe a échappé. Je vous ai parlé de cet éminent scientifique, l'académicien Nesterenko. Oui, l'homme qui a conçu les centrales nucléaires mobiles. Hein. Oui, pour pouvoir tirer des missiles balistiques dans des endroits reculés afin d'échapper à la surveillance satellitaire de l'adversaire. Eh bien, ce Nesterenko a été l'un des premiers savants à être consulté et à se rendre à Tchernobyl. Je crois même qu'il a pris le risque insensé de survoler en hélicoptère le réacteur endommagé. Le réacteur dont le cœur se trouvait alors à l'air libre. C'est donc cet incontestable spécialiste des questions nucléaires qui va prendre les choses en main et conseiller les autorités. En partie, oui. Et ce qu'il découvre l'affole. En effet, dans la panique et aussi pour ne pas encourir les foudres de leurs supérieurs, les responsables de la centrale ont pris aussitôt la décision d'inonder les sous-sols du réacteur numéro 4. Pour le refroidir, j'imagine. C'est ça, oui. Et la manœuvre était excessivement dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut dire à la décharge de ces responsables que l'affolement est général et que beaucoup de dirigeants n'ont pas encore pris la mesure de la gravité de l'accident. Et ça explique, par exemple, que la décision d'évacuer la ville nouvelle de Pripyat a tardé. Heureusement, le nuage radioactif n'est pas passé au-dessus de cette agglomération, mais juste à côté, au-dessus d'une forêt qui a été immédiatement brûlée par le rayonnement nucléaire. Donc cette ville où vivaient les techniciens et employés de la centrale a été épargnée. Mais quand même gravement contaminée. Et pourtant, au lendemain de la catastrophe, on laissera les jeunes communistes y célébrer une 15aine de mariages en plein air. Et ce n'est que le jour suivant qu'on commencera à évacuer les familles de Pripyat et celles de tous les villages environnants. Non sans dire à tous ces gens qu'ils reviendront bientôt chez eux. C'est une affaire de 2 ou 3 jours. Mais ils ne reviendront jamais. Non. Et Pripyat, cette ville moderne, qui faisait la fierté des soviétiques et le bonheur de ses habitants, ne pourra pas être réoccupé. En fait, pour bien comprendre, il faut dire que pendant plusieurs longues heures, on vit dans l'ignorance. Le directeur de la centrale a même déclaré que l'irradiation restait dans les normes. C'est de l'inconscience ou... Peut-être pas. D'abord, je vous l'ai dit, les appareils de détection dont on disposait à Tchernobyl étaient impuissants à mesurer les hauts niveaux de radiation émis par la catastrophe. Mais il n'y a pas que ça. Les médecins ont découvert qu'une exposition à une irradiation aussi considérable pouvait provoquer, outre des effets physiques, comme ce qu'on appelle le bronzage nucléaire, mais des troubles nerveux et même engendré une sorte d'euphorie. Alors, les responsables de la centrale n'ont donc peut-être pas menti sciemment en minorant la gravité de l'accident. C'est fort possible. Et ça explique pourquoi les premiers sauveteurs ou liquidateurs sont intervenus sans prendre de précautions particulières. Je pense en particulier aux équipages des hélicoptères qui vont déverser du sable au-dessus du cœur du réacteur. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'on leur conseillera de fixer des feuilles de plomb sous leurs appareils et de se protéger eux-mêmes en bricolant des combinaisons sommaires et avec le même métal. Ouais, tout cela sans l'improvisation. Bien entendu. Ouais. Il est clair que personne, et surtout pas les autorités, n'était prêt à faire face à une telle catastrophe. Et comme les appareils automatisés tels les robots ne pourront pas être utilisés à cause des rayonnements qui grillent leurs circuits électriques, ce sont des hommes qui, à l'appel, vont nettoyer le toit du troisième réacteur jonché de débris radioactifs. À l'appel, en dépit du danger. Oui, et ces hommes, des militaires, ne peuvent que travailler par période de 40 secondes. Mais même en prenant ces précautions, ils reçoivent à chaque fois une dose de rayonnement égale à celle qui est autorisée pour une vie entière. Après cette longue parenthèse, je reviens à ce que j'ai commencé à évoquer. La possibilité que se produise une catastrophe encore plus considérable. Le professeur Nesterenko a en effet très peur que le magma nucléaire qui demeure dans le cœur n'entre en contact avec l'eau qui a été déversée dans les sous-sols. Et quel en serait l'effet, là ? Une explosion nucléaire. Et il estime, je vous l'ai dit, que toute la Biélorussie deviendrait inhabitable. Mmh. Car Tchernobyl, il faut le rappeler, se trouve tout près de la frontière avec la République de Biélorussie. Mais ce territoire ne serait pas le seul à être contaminé. Une partie de l'Europe pourrait aussi être touchée. Mmh. Et selon les calculs de Nesterenko, cette possibilité est de quel ordre ? 5 à 10%, c'est beaucoup. Et en Biélorussie, on met tout en œuvre pour faire face à une telle éventualité. En mobilisant des moyens de transport, par exemple, tandis que sur place, on prend la décision de pomper l'eau. Et d'abord celle du bassin barboteur qui se trouve sous le cœur. Une manœuvre délicate, car elle nécessite une intervention humaine. C'est assez inouï, mais on demande un volontaire pour plonger dans l'eau radioactive et actionner à la main le système de pompage. Mmh. Encore un homme sacrifié. À coup sûr. Mmh. Et pour le décider, on lui donne 3 mois de salaire. Quoi qu'il en soit, la manœuvre est couronnée de succès et le pompage commence. Mmh. Et qu'est devenu cet homme ? Je ne sais pas. Enfin, il fait partie de tous ces liquidateurs dont on ignorera le destin. Pourquoi le... Parce que tous ces gens repartiront ensuite chez eux. Car ils sont nus de toute l'URSS. Et s'ils ont été malades ou même s'ils ont succombé, on ne fera pas forcément un lien avec leur présence à Tchernobyl. D'ailleurs, assez systématiquement, on se gardera bien de faire un rapport avec leur possible irradiation. Par conséquent, et grâce à l'opacité du système, on ne disposera jamais de statistiques fiables. Et au fond, ça arrangera tout le monde. Mais pour quelle raison ? Parce que ni les dirigeants soviétiques, ni les grandes organisations internationales ne voulaient réellement savoir. Mais je reviendrai sur cette querelle des chiffres. Mmh. Toutefois, en attendant, poursuivons. Nesterenko avait vu juste. Dans les premiers jours de mai, et sans doute sous le poids des impressionnantes quantités de sable et de plomb déversées sur le réacteur, le magma nucléaire a crevé la base de la cuve du réacteur. Ah oui, alors si l'eau du bassin barboteur, c'est ça, n'avait pas été vidée, c'était une nouvelle catastrophe. En effet. Notons, au passage, et ce n'est pas rien, que cet incident a provoqué une nouvelle éruption et donc un dégagement supplémentaire de radionucléides dans l'atmosphère. Et il a encore fallu déverser des tonnes et des tonnes de plomb sur le réacteur. Cependant, tout danger n'était pas écarté. Ce magma nucléaire, après avoir crevé la cuve, pouvait ensuite pénétrer dans le sol. Ah oui, comment on appelle ça ? Le syndrome chinois, hein, c'est-à-dire l'enfoncement progressif du cœur dans les profondeurs de la Terre. Et sa réapparition aux antipodes. Non, n'allons pas jusque-là, mais on pouvait toutefois s'attendre à une contamination de la nappe phréatique. On décida donc, dans l'urgence, le creusement d'une galerie sous le réacteur, galerie qui permettrait ensuite la construction d'une sorte de coussin de béton de plusieurs mètres d'épaisseur. Sous le réacteur, donc ? Oui, oui, oui. Et dans un sous-sol déjà fortement irradié. Le travail a été confié pour l'essentiel à des mineurs ukrainiens qui ont creusé manuellement et pratiquement sans aucune protection. Mais malgré ces conditions éprouvantes, ils sont venus à bout de l'ouvrage. Et leur santé ? Oh, ben ça, c'est autre chose. Beaucoup sont tombés gravement malades, mais on les a rapidement oubliés, je crois. Pour un seul de ces mineurs. Les autorités sanitaires ont reconnu un lien entre sa maladie et l'irradiation qu'il avait subie. Encore une fois, ça arrangeait bien les statisticiens. Naturellement. En tout cas, la nappe phréatique, la rivière Pripyat et le réseau hydrographique du Dniepr ont échappé à la contamination grâce à ces malheureux. Toutefois, il restait sur le sol de la centrale et dans une vaste zone des quantités de poussière radioactive. Et le danger, c'était maintenant la pluie. Et quand on a vu apparaître dans le ciel de Tchernobyl de gros avions bombardiers, une rumeur a aussitôt couru. Les dirigeants soviétiques voulaient dévier le nuage radioactif vers la Biélorussie afin de sauver Moscou de la contamination. Beaucoup de témoins ont comparé la lutte des liquidateurs de Tchernobyl avec l'action héroïque des soldats de l'armée rouge lors de la Grande Guerre patriotique, ainsi qu'on l'appelle toujours, contre les troupes du Troisième Reich. C'est ce qui apparaît dans ce récit d'un officier soviétique de haut rang, Alexandre Nosatch. Au début mai, la bataille de Tchernobyl venait de commencer. Mais on ne peut mener une offensive sans se frayer des passages à travers les barrages de l'adversaire. Autour du quatrième bloc, ces barrages étaient la radiation et la topographie, c'est-à-dire les débris produits par l'explosion et les amoncellements de sable et de graphite, ainsi que l'absence de routes aménagées, de ponts sur le Pripyat, d'engins de construction protégés contre la radiation. Par contre, nous disposions de vaillants sapeurs soviétiques sous les ordres de leur sage chef, le maréchal des troupes de génie Aganov. Ils étaient prêts à liquider ces barrages sous le feu incessant de la radiation. Sous le soleil torride, ils travaillaient sans interruption, du matin jusqu'à la nuit profonde. Ainsi, un équipage d'IMR, un tank transformé en bulldozer, l'officier Davy et le soldat Moshan, ramassa et chargea en une seule journée plus de 130 conteneurs avec des débris radioactifs et de la terre. Mais la situation exigeait davantage, plus vite, encore plus vite. Ajoutons que cet officier est mort des suites de l'irradiation. Ce témoignage figure dans le livre de Galia Kerman, Tchernobyl, retour sur un désastre, publié tout récemment chez Buchet-Chastel. Alors, qu'en était-il de cette rumeur de détournement du nuage radioactif? C'était bien sûr une fumisterie, mais il est vrai que des avions ont bombardé les nuages, les vrais nuages, j'entends, afin qu'ils ne pleuvent pas directement sur Tchernobyl. De la même façon, pour éviter d'éventuelles inondations, les Soviétiques se sont livrés à d'énormes travaux. Par exemple, la construction de digues géantes. Des travaux jugés, au reste, assez peu efficaces. Enfin, peu importe. Il fallait à tout prix rassurer les populations. Ouais, c'était payé un prix un peu cher, hein. C'est sans doute vrai, mais les Soviétiques ont vu tout en grand. Des centaines et des centaines de blindés, de camions, ont été utilisés pour nettoyer, laver et décontaminer le site. Mais aussi, des milliers et des milliers d'hommes ont été mobilisés. Des soldats et des miliciens, pour la plupart. Et ceux-là aussi, mal équipés, vêtus de combinaisons inadaptées pour ces travaux, ont reçu de fortes doses de radiation. Cependant, et vous le savez sans doute, le plus gros chantier, ça a été la construction du fameux sarcophage. Oui, pour isoler le réacteur numéro 4. Oui, oui, un travail pharaonique et excessivement dangereux, car les ouvriers qui ont construit cet immense cercueil de béton et d'acier ne pouvaient pas faire autrement que de travailler au plus près du réacteur. Et même si beaucoup perchés dans la cabine de leur grue, étaient relativement à l'abri, ils étaient quand même forcément exposés. En outre, comme il fallait faire vite, on ne se souciait guère de la sécurité des liquidateurs et des bâtisseurs du sarcophage. Ouais. Bah, on peut pas quand même reprocher aux Soviétiques d'avoir voulu agir plus vite. Sans doute pas, même si certains ont eu le sentiment que l'important pour les autorités, c'était d'abord la remise en marche du réacteur jumeau, le numéro 3. Au dépend de la vie des ouvriers, alors? Je le pense aussi, oui, parce que la reprise de la production électrique était essentielle. D'ailleurs, dès le mois d'octobre, c'est-à-dire quelques mois après la catastrophe, on a commencé à construire une nouvelle ville pour les employés de la centrale, à une quarantaine de kilomètres seulement de Tchernobyl. Donc, très près de la zone interdite qui dessinait un cercle de 30 kilomètres autour de la centrale. Non, cette ville nouvelle, afin de remplacer la ville morte de Pripyat. Oui, oui, ouais. Car malgré les promesses formulées au moment de l'évacuation, on devra se résoudre à abandonner la ville pour toujours. Et seuls les pillards oseront encore s'y aventurer. Il en ira de même pour les centaines de milliers d'hectares de terres contaminées où la culture et l'élevage seront interdits. Mais le système soviétique était ainsi fait qu'il autorisait de nombreuses entorses au règlement et aux diverses interdictions. Ouais, c'est-à-dire ? Négligence ou indifférence, on a laissé des gens évacués, surtout de vieux paysans, revenir dans leur maison. Je ne parle même pas des bakchiches versés aux miliciens, des pots de vin qui, au fil des années, ont permis aux voleurs de pénétrer dans les zones contaminées pour cambrioler les appartements abandonnés ou dérober des moteurs, des pièces d'automobiles ou d'hélicoptères. Mais des objets mis au rebut. Et stockés sur le site en raison de leur haute contamination et qu'on retrouve ensuite sur les marchés aux puces. Non, je veux parler de points beaucoup plus graves et initiés directement par les autorités. Le lait, la viande ou les céréales produits sur les terres interdites. Difficile de les détruire dans un pays où la pénurie alimentaire menaçait toujours. Alors les apparatchiks se sont dit que si on mélangeait ces denrées polluées par les radionucléides avec des produits sains, on y verrait que du feu. Et c'est ainsi qu'on a commercialisé des produits contaminés. Mais c'est excessivement grave, ça. C'est la stricte vérité. Et cela a été exécuté en toute connaissance de cause, au mépris de la santé publique des citoyens de l'URSS, car ces denrées alimentaires ont parfois été distribuées très loin de la zone contaminée. Mmh. Alors, maintenant, je voudrais qu'on revienne sur cette querelle dont vous me parliez tout à l'heure. La querelle des chiffres. Oui, c'est ça. Oui. Bon, d'accord. Voyons ça d'un petit peu plus près. Toutefois, c'est très difficile quand même. Essentiellement à cause du chaos qui régnait alors en URSS et aussi de la volonté de dissimulation des différentes autorités concernées. Il faut d'abord dire qu'à cause du manque d'appareils de mesure dans les régions contaminées, on ne sait toujours pas quelle dose de radiation les populations ont reçue, et surtout combien de personnes ont été touchées. Et telle est la réalité. Oui, c'est insensé quand même. D'autant plus que certains décès ou apparitions de cancer ont été attribués à d'autres causes que l'irradiation. Ouais, pour masquer la vérité. Bien entendu. Cependant, d'après une députée ukrainienne qui a eu accès à des documents secrets après l'effondrement de l'URSS, il est avéré qu'un tiers de la population de Pripyat, qui comptait une cinquantaine de milliers d'habitants, a succombé dans les 6 mois qui ont suivi la catastrophe. Il y a plus de 15 000 décès, c'est ça? Et ce chiffre a toujours été contesté. Mmh. Je vous rappelle que selon un rapport assez récent de l'ONU, au total, Tchernobyl n'aurait causé directement qu'une cinquantaine de morts et plus tard 4000 morts victimes de cancer. Quand même une sacrée marge, hein, parce que vous n'évoquiez que la population de Pripyat. Oui, alors que des centaines de milliers d'autres habitants ont été concernés. Oui. J'ajoute aussitôt que ce rapport de l'ONU a été très controversé par des organismes indépendants. Car à ces chiffres, il faut ajouter celui des liquidateurs, tant civils que militaires. Mmh, combien? Là encore, les estimations sont difficiles, mais les gens sérieux avancent un chiffre compris entre 600 000 et 1 million. Et me disiez-vous, ce sont des gens dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, combien ont été irradiés? Et combien sont morts plusieurs années après d'un cancer ou d'une autre affection liée à leur intervention sur le site de Tchernobyl? Impossible à dire. Mais étant donné les doses de radiation qu'ils ont reçues, ils sont forcément nombreux à avoir été touchés. Mais n'avez-vous pas l'impression là, d'exagérer, parce que ce rapport de l'ONU semble sérieux, non? Apparemment, oui. Mmh. Mais je crois vous avoir expliqué qu'au sein de l'ONU, deux organisations, l'OMS et la IEA, ne cessaient de débattre à propos de Tchernobyl. Mmh. La santé contre l'atome. L'Agence internationale pour l'énergie atomique étant très attachée à minorer les chiffres. Car il ne faut pas oublier que cette instance, qui a été honorée récemment par un prix Nobel, a aussi pour vocation de promouvoir l'utilisation pacifique du nucléaire. Oui. Et par conséquent, tout ce qui peut nuire à cette industrie est passé sous silence. Ce que conteste vivement l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a fort à parier que ce rapport est le résultat d'un compromis entre ces deux organisations internationales. Et ce texte ne mettra certainement pas fin à la controverse entre ceux qui pensent, comme l'ONU, qu'il n'y a eu que 4000 morts et ceux qui évoquent des centaines de milliers de morts. Oui. Et vous, votre opinion? Je crois vous avoir montré que la pagaille et l'opacité du système soviétique ne permettaient pas de se faire une idée précise. D'accord, mais l'URSS n'existe plus. Certes, mais les mauvaises habitudes demeurent. Les deux pays les plus touchés, l'Ukraine et la Biélorussie, ont repris à leur compte la politique de secret instituée par le Kremlin. Mais en Ukraine, après la révolution orange, là, ça va peut-être changer. On peut l'espérer. Mais en Biélorussie, où règne un dirigeant néo-stalinien, rien n'a bougé. Bien au contraire. Puisqu'un médecin, un scientifique reconnu, a même été emprisonné parce qu'il osait prétendre que des milliers d'enfants continuent à souffrir des conséquences de la catastrophe. Les chiffres, toujours. Le 24 avril dernier, donc après la Révolution Orange, l'ambassade ukrainienne à Paris a publié un communiqué très inquiétant. ce qui a permis au docteur Michel Fernex, professeur émérite à la faculté de médecine de Bâle, d'écrire ceci. Les 600 000 à 800 000 liquidateurs, aujourd'hui disséminés sur l'ensemble des territoires de l'ex-URSS, étaient pour moitié des techniciens, des pilotes, des mineurs, dont l'âge moyen était de 33-34 ans. Ils ont décontaminé la zone des 30 km autour de la centrale et construit le sarcophage. Toute étude épidémiologique doit les étudier séparément. Le 24 avril 2005, dans un communiqué de presse, l'ambassade d'Ukraine à Paris indiquait qu'en 2004, 94% des liquidateurs étaient malades. Un tiers serait déjà invalide, leur état de santé se dégradant rapidement. Parmi les maladies dégénératives dont souffrent ces jeunes adultes figure cette localisation de cancer, significativement plus fréquent que dans le reste de la population. Les maladies cardiovasculaires représentant la première cause de la mort. Les enfants des liquidateurs présentent une augmentation significative d'anomalies congénitales par rapport aux enfants de familles dont les parents n'ont pas travaillé autour du réacteur détruit. Ce texte vient d'être publié dans Les Silences de Tchernobyl, un ouvrage collectif paru chez Autrement. Qui est ce médecin biélorusse qui a été emprisonné? Il s'appelle Yuri Bondachevski. Et ce praticien, après une carrière brillante, à 33 ans, il est le plus jeune professeur de médecine de l'ex-URSS et nommé recteur de l'Institut de médecine de Gomel, une ville biélorusse au cœur de la zone contaminée. Contrairement à nombre de ses confrères, Bondachevski a tenu à y rester avec son épouse, médecin, elle aussi, et leurs enfants, pour enseigner, soigner, mais aussi pour étudier les effets de Tchernobyl sur la santé des habitants et surtout celle des enfants et des femmes enceintes. Et que découvre-t-il ? À Nagasaki, à Hiroshima et aussi à Tchernobyl dans les premiers temps, les gens ont été exposés à des irradiations externes. Mais il peut aussi exister une contamination interne qui peut être chronique. C'est-à-dire ? Les habitants qui vivent dans les zones où se sont déposés les radionucléides ingèrent quotidiennement des aliments contaminés, surtout du césium-137, qui met 30 ans avant de devenir inoffensif. Et Bondachevski a vérifié expérimentalement que les enfants sont les plus touchés. Pourquoi ? Bondachevski explique que leurs jeunes cellules, qui n'ont pas fini de se diviser, sont plus sensibles au rayonnement. Mais avec quelles conséquences, là ? Des cancers, de la thyroïde, mais aussi d'autres pathologies très graves, comme des atteintes cardiovasculaires, des cataractes, des malformations congénitales, des attaques du système immunitaire et des vieillissements prématurés. Bref, ces gosses sont des maladies d'adultes et c'est irréversible. Et que préconise Bondachevski ? Un meilleur contrôle sanitaire des aliments et des cures de pectine. Un produit issu de végétaux et qu'on trouve particulièrement dans la pomme. Un produit qui combat efficacement les effets internes des rayonnements. Mais, et là, Bondachevski prend des risques. Il met en cause l'utilisation des fonds d'État destinés à combattre les conséquences de Tchernobyl. Ça, c'est une critique directe du pouvoir. Bien entendu. J'ajoute qu'au cours de ses travaux scientifiques, Bondachevski bénéficie de la collaboration de l'académicien Nesterenko, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Oui, ça, c'est une incontestable caution scientifique. En effet. Toutefois, malgré ce soutien, Bondachevski n'est pas écouté. Il se résout à envoyer une lettre au président biélorusse, Loukachenko, qui, comme vous le savez, gouverne le pays d'une main de fer. Oui, comme si l'URSS existait encore. Ouais, en tout cas, le résultat ne fait pas attendre. Quelques jours plus tard, des policiers se présentent chez le scientifique. Perquisition, arrestation, incarcération en cellule d'isolement. Tout va très vite. Oui, mais de quoi l'accuse-t-on ? Le docteur Bondachevski est inculpé de participation à un crime organisé. C'est absurde, non ? Bien sûr. Aussi, après 25 jours d'interrogatoire, la justice change son fusil d'épaule. Désormais, Bondachevski est accusé d'avoir reçu des pots de vin de certains de ses étudiants. Et on lui dit que s'il avoue, il sera immédiatement libéré. Oui, c'est un chantage, quoi. Évidemment. Et bien entendu, Bondachevski refuse cet odieux marché. Oui, parce qu'il est innocent. Et qu'il entend qu'on lui rende justice, quitte à rester encore longtemps en prison dans des conditions très difficiles. Bondachevski, déjà affaibli par les doses de radiation qu'il a subies, tombe malade. Il perd plusieurs kilos, ses cheveux blanchissent. Et cet homme qui a moins de 50 ans ressemble désormais à un vieillard. Mmh. Mais expliquez-moi, que veulent exactement les autorités biélorusses ? Écraser ce gêneur et surtout le discréditer auprès de ses étudiants et du monde scientifique. Mmh. Gêneur, avez-vous dit, hein ? En effet, puisqu'il persiste à dire que le territoire biélorusse est toujours contaminé. Ça va à l'encontre de ce que prétend le gouvernement, pour qui tout s'arrange peu à peu, et qui nie surtout que la nourriture quotidienne puisse être contaminée. Mais je vous passe les détails. En 2001, sur témoignage de deux étudiants, qui se rétracteront ensuite, Bandajewski est condamné à 8 ans de prison par un tribunal militaire. Une détention à régime sévère. Heureusement, pour lui, à l'étranger, les scientifiques se mobilisent. Mais avec quel effet, là ? Au cours de l'été 2005, il obtient enfin une libération conditionnelle, puis une liberté définitive au mois de janvier de cette année. Ah, et janvier 2006, là. Oui. Toutefois, il lui est interdit de quitter son pays. C'est monstrueux, quand même. Et tenez, moi qui suis un parfait béotien dans le domaine scientifique et suis donc incapable de dire si, oui ou non, les travaux du docteur Bandajewski sont valables, je trouve que les persécutions exercées contre lui donnent paradoxalement du crédit à sa thèse. J'ajoute que l'émotion créée par cette affaire a permis la création d'un institut indépendant soutenu par d'autres savants qui permet au docteur Bandajewski de poursuivre ses recherches. Mais continuons et faisons un petit retour en arrière, si vous le permettez. Je vous en prie. Comme je vous l'ai dit, les autorités n'avaient rien de plus pressé après la catastrophe que de faire redémarrer la centrale. Oui, parce qu'il y avait quand même 3 réacteurs intacts. Hein. Mais en abandonnant le projet faramineux de construire 8 nouvelles tranches. Quoi qu'il en soit, la production d'électricité recommence. Mais 5 ans après la catastrophe, et on en a très peu parlé, une nouvelle explosion se produit dans le deuxième bloc. Un incident très violent, tout à fait semblable à celui de 1986, au moins dans son commencement. C'est-à-dire ? Le bâtiment est ravagé et son toit a été soufflé. Mais ce très grave accident n'a pas dégénéré, parce que les ingénieurs ont réagi à temps et ont pu arrêter le réacteur avant qu'il n'explose. Si je vous suis bien là, ça veut dire que l'explosion n'a pas eu lieu dans le cœur du réacteur. C'est exact. Elle s'est produite dans la salle des machines. Et il en a vraisemblablement été de même en 1986. Attendez, ça revient à remettre en cause l'origine de l'accident, premier accident. J'y reviens dans un instant. Hein. Auparavant, voyons la suite. Ce deuxième réacteur, dévasté, n'est bien sûr pas remis en service. Alors, il en reste deux. Hein. Oui, le numéro 1 et le numéro 3. Mais l'accident de 1991, après celui de 1986, a définitivement montré que la technologie des réacteurs RMBK est dangereuse. Il en reste pourtant qui sont encore aujourd'hui en fonction. À une demi-douzaine, oui, dans l'ex-URSS. En tout cas, la communauté internationale et surtout l'Union européenne, qui est plus directement concernée, vont exercer des pressions de plus en plus fortes pour obtenir de l'Ukraine un arrêt définitif de Tchernobyl. Ce qui sera enfin effectif en 2000. C'est exact. Oui. Toutefois, ça nous a coûté très cher, car les Ukrainiens ont demandé en retour des aides financières considérables. Puis ça va continuer avec la construction du deuxième sarcophage, puisque le premier est quasiment en ruine. Vous avez raison. Mais il est temps de reparler de la cause de l'explosion de Tchernobyl. Oui. Et même des deux explosions, si je vous ai bien compris. C'est ça. Alors, je vais essayer d'être clair, car c'est assez compliqué, ça dépasse largement toutes mes petites connaissances scientifiques. Aussi, je demande à vos auditeurs une très grande indulgence. Non, cet excès de modestie vous honore. Oh, je vous en prie. Ce que je peux vous dire d'abord, c'est que cette nouvelle théorie est fabuleuse et même inquiétante, car elle peut déboucher sur des applications inimaginables. Expliquez-vous alors. D'éminents savants russes, mais ils se sont aussi servis des travaux d'un grand scientifique français, le professeur Lochak, ne se sont pas contentés des explications fournies à l'époque. Ils se sont en particulier demandé pourquoi le réacteur numéro 4 s'était soudainement emballé à un moment où il restait assez peu de combustible nucléaire dans le cœur et où la puissance du réacteur avait été considérablement réduite. Oui, à cause de l'expérience de sécurité en cours, là. On a calculé qu'il ne fournissait plus que 6% de puissance. Or, en quelques secondes, cette puissance a été multipliée dans des proportions ahurissantes. Ah oui, alors, incompréhensible. Ces savants russes ont par ailleurs fait des observations déroutantes. Ils ont noté un enrichissement anormalement élevé en uranium-235 du combustible. Et aussi la présence inexplicable de tonnes d'aluminium, un métal qui n'est pas utilisé dans la construction du réacteur. Alors, cet aluminium, d'où venait-il ? Attendez, encore un tout petit peu de patience. Ils ont enfin observé que dans la salle des machines, des câbles électriques qui avaient été violemment arrachés des murs auxquels ils étaient fixés et étaient venus littéralement se coller contre des conduites d'eau. Tout ça est en effet étrange, hein? Et il fallait essayer d'expliquer quelle force avait précipité les câbles contre les conduites d'eau. C'est alors que le physicien Leonid Urtskoïev s'est souvenu des travaux de son collègue français Georges Lochak, un scientifique qui a émis l'hypothèse toute théorique de l'existence d'une particule élémentaire nommée... attendez, je regarde mes notes... le monopôle magnétique leptonique. Un élément qui serait créé... attendez, je le lis à nouveau... par une sorte de basculement entre l'électricité et le magnétisme. Par exemple, lors d'un important court-circuit. Alors, pour revenir à Tchernobyl... un court-circuit qui se serait produit dans la salle des machines ? Et la création de cet élément aurait dopé le combustible du réacteur et provoqué ce fantastique accroissement de puissance qui s'est ensuite traduit par l'apparition d'une sorte de foudre en boule très luminescente que beaucoup de témoins ont observé au-dessus de la centrale. Je suis dans l'impossibilité de me contredire, mais... alors, et la présence de cet aluminium-là ? Eh bien, il se serait produit une véritable transmutation à l'intérieur du réacteur. Ouais, une transmutation, le rêve des alchimistes ? Enfin réalisé, oui. Et les travaux ultra-secrets des savants russes peuvent déboucher sur le meilleur comme sur le pire. Donc, selon cette théorie, la direction et le personnel de la centrale n'auraient pas été forcément responsables. Et les trois dirigeants condamnés à de lourdes peines de prison auraient été condamnés injustement. Mais que voulez-vous ? Moscou avait un urgent besoin de bouc émissaire. Je rappelle les titres des ouvrages qui viennent de paraître à l'occasion des 20 ans de Tchernobyl. Le très beau Tchernobyl, confession d'un reporter aux éditions des Arènes. Les silences de Tchernobyl chez Autrement. Atomic Park, à la recherche des victimes du nucléaire chez Actes Sud. Et le petit livre très documenté de Galia Kerman, Tchernobyl, retour sur un désastre, aux éditions Buchet-Chastel. Galia Kerman, qui est également le commissaire de la grande exposition, il était une fois à Tchernobyl, présenté à Barcelone de mai à octobre 2006. Enfin, je vous signale que le docteur Nicole Collat-Linhart, par ailleurs fidèle auditrice des Rendez-vous avec X, qu'organise le 7 avril à l'Institut Curie une journée scientifique sur le thème Tchernobyl, 20 ans après. Attaché au département de biophysique à l'Université Paris 7, ce médecin indépendant des organismes officiels du nucléaire a souvent dénoncé ce qu'elle nomme des attaques outrancières contre l'énergie nucléaire. À vous de juger si le sujet vous intéresse.